avant aller fuck nous font t-shirt à parler. Moi pas d'un coup, l'autre n'est qu'à pas mentir. Qui parle souhaiter aux bonnes choses, prends pas du vieux en cap sourire. Parce que moi pas vrai, ouais, ou qu'à passer avec you l'autre qu'à traiter, vie bien passer. Parce que moi pas vrai. Avec yon love kapre men yon pi plis pase. Mou pa realize tout sakrifis mou fè pou. Shake for them.